Aujourd'hui, dans une édition croustillante de La Connexion. On vous présente des pièces de jeux vidéo remixées. On vous initie à l'art du chiptune, une musique dont les sons sont synthétisés en temps réel par un ordinateur ou par la puce audio d'une console de jeu. Tout ça en plus des mots les plus recherchés sur Internet et des nouveautés en magasin. Préparez les chips et le Dr. Pepper, La Connexion commence maintenant. Jeudi 24 ou lundi 28 avril 2008, bienvenue à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Normalement, dans cette émission, on ferait les nouvelles, on parlerait des choses qui sont passées dans le monde des jeux vidéo, de l'informatique, des technologies. Cette semaine, on prend une petite pause de ça pour écouter de la bonne musique. Oui, on vous initie au chiptune, hein? Et on vous initie aussi, pour ceux qui connaissent pas ça, la musique de jeux vidéo. On en parle souvent ici à La Connexion, mais là, on va s'étendre un petit peu. Hein? On va partager, on va plonger dans le bonheur qu'est la musique de jeux vidéo. C'est quelque chose que j'aime beaucoup depuis toujours. Je vais vous partager ça aujourd'hui. On va commencer par un petit peu de chiptune. Hein? C'est Taxi Nouveau, il fait de la musique avec un Game Boy, un laptop, un ordinateur portable et des cartes de Noël modifiées. C'est quelque chose de très très intéressant. On va l'entendre, Taxi Nouveau, donc avec la pièce Exciting. C'est très excitant. À La Connexion, à Cifou 89.1 FM. Dans vos oreilles, au cifou.ca, sur unechance.com pour tous les liens, et dans votre radio, au 89.1 FM. Taxi Nouveau avec la pièce Exciting de son album éponyme Taxi Nouveau à la connexion. Assez fou, 89.1 FM. Je vais vous lire un petit article du journal Voir par Olivier Robillard-Laveau qui explique assez bien ce que Taxi Nouveau fait. Artiste de la scène 8-bit montréalaise, terme renvoyant à la puissance d'un processeur électronique aujourd'hui préhistorique, pensé au premier Nintendo, Taxi Nouveau lance son premier maxi de 7 titres électro composés à partir de consoles de jeux vidéo, de cartes de Noël musicales modifiées, ce qu'on appelle du circuit bending, et d'un ordinateur portable. Plus électro et un peu moins pop que son collègue Matt Fuzz, qu'on va d'ailleurs entendre un petit peu plus tard, Taxi Nouveau accouche de pièces atmosphériques aux textures assurées et minimalistes, comme Blue Shadow, Breath Run Breath, deux pièces de l'album, capable également de petites bombes dansantes, comme Exciting, qu'on vient d'entendre, et Créatine Contine, qu'on écoutera plus tard. Le musicien fait preuve d'une polyvalence ingénieuse, considérant les limites de ses sources sonores. Très bien dit de la part du journal Voir. Donc, Taxi Nouveau, ça fait partie de la nouvelle scène de musique électronique de Montréal. Il est connu partout, internationalement, sur la scène du 8-bit. Il a fait des performances récemment au Mix Sessions et au SAT, au Festival Arcadia et Fantasia. Taxi Nouveau performe ses chansons, comme on disait, sur Game Boy, laptop et carte de Noël modifiée. Son électro-punk 8-bit vous promet un manège excitant. Voilà. Ses performances musicales combinent des chansons de son album avec de nouvelles pièces qui ont été créées pour les clubs funky. C'est ce qu'il dit sur son MySpace, au myspace.com/Taxi Nouveau. L'homme derrière Taxi Nouveau, c'est Manuel Chantre, qui est un compositeur, designer sonore et artiste performance et DJ. Il fait aussi partie d'un collectif musical mystérieux qui s'appelle Popcore. Il fait de la musique depuis 14 ans. Son premier album est une sélection de chansons composées entre 2004 et 2007. Taxi Nouveau, myspace.com/Taxi Nouveau. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Manuel Chantre. On va entendre une autre pièce un petit peu plus tard. Même chose pour Matt Fuzz qu'on va découvrir dans quelques instants à peine. Avant ça, par contre, un petit peu de contenu dans cette émission, La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. On va s'en faire un petit peu de contenu ici en regardant le top des mots-clés les plus recherchés sur Internet, sur la toile du Québec la semaine dernière. En 10e position, on retrouve Desjardins, c'est stable. En 9e, on monte avec Canada 81. En 8e, c'est stable avec RDS. En 7e, c'est aussi stable, l'Auto-Québec. En 6e, ça descend, Facebook. En 5e, même chose, YouTube. En 4e, ça monte, accéder. Les positions 3, 2 et 1 sont stables. Hotmail, Horoscope et le grand numéro 1 des mots-clés les plus recherchés la semaine dernière sur la toile du Québec, c'est les PAC. Maintenant, on change de domaine. On s'en va entendre de la musique de jeux vidéo remixée. Quelque chose que j'aime beaucoup écouter dans mes temps libres. Ça vient de Overclocked Remix, ocremix.org, qui est le site pour les pièces de jeux vidéo remixées. On s'en va entendre l'artiste Cajun. Cajun. Avec Animal Crossing Traveling. Tout de suite à La Connexion, 89.1 FM. www.radiotechnologie.com. Zax et Scott Peoples avec Donkey Kong Country, Fear the Monkey OC Remix ici à la collection. Juste avant, c'était Cajun avec Animal Crossing Traveling OC Remix. Oh, que c'était bon! Musique de jeux vidéo Remix, hey! Donc, parlons un petit peu de Animal Crossing Traveling. C'est un bon vieux Tim Sheehy qui est de retour sur OC Remix. Ce mix date de février 2008. Ça faisait depuis 2004 qu'il n'avait pas remixé quelque chose pour le site. C'est leur premier remix de Animal Crossing sur le site de OC Remix, d'ailleurs. Cajun, la musique originale a été composée par Kenta Nagata, Shinobu Tanaka et Toru Minegishi. Ça a été publié, ce jeu Animal Crossing, sur Nintendo. GameCube en 2001, voilà, c'est bien l'original de Animal Crossing. Et puis, ça a été évalué par OC Remix pour être publié sur le site. Très, très bon, la pièce Traveling. Après ça, Donkey Kong Country, la pièce Fear the Monkey, remixée par Prozac et Scott Peoples, composée originalement par Dave Wise, Evelyn Fisher et Robin Beanland. Le jeu Donkey Kong Country était évidemment sur Super Nintendo en 1994, un jeu que j'aime bien. Le remix lui-même date de 2001, en mars. Voilà, donc si vous voulez plus d'informations, j'ai posté les liens vers ces remixes sur le www.unechance.com. On fera un petit historique de Overclocked Remix tantôt, mais le site est sur ocremix.org. Voilà pour ça. Prochaine chronique qu'on va se faire, tenez, on va aller voir ce qui s'est passé dans les superclubs Vidéotron la semaine dernière. On parle des jeux les plus loués. En cinquième position, on retrouve Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2 sur la PS3. En quatrième, il y a Super Smash Bros. Brawl sur la Nintendo Wii. En troisième, Army of Two sur la Xbox 360. En deuxième, c'est Gran Turismo 5 Prologue sur la PS3. Et on retrouve finalement au numéro 1, Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2 sur Xbox 360. Prochain mix qu'on s'en va entendre, ça vient du jeu DuckTales. Oh, mais c'est vraiment vieux. Arden the Duck Up, c'est le nom de la pièce. Et c'est composé par Norg. Tout de suite, à la connexion 89.1 FM, restez avec nous. Spécial musical, chiptune et musique de jeux vidéo remix. Thank you. Au retour, on écoute d'autres musiques de jeux vidéo mixées. On va aussi entendre une autre pièce de Taxi Nouveau et Matt Fuzz et son Game Boy. À la connexion, on parle technologie informatique et jeux vidéo. À C'est Fou 89 FM. Bonjour, c'est la deuxième demi-heure de la collection spéciale Chiptunes et musique de jeux remixés. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Il nous reste une bonne heure 30 pour écouter cette bonne musique de jeux vidéo. C'est quelque chose qui me fait vraiment, interriper. On continue avec, ça c'est pas de la musique de jeux vidéo, c'est de la musique composée à partir d'une console, le jeu vidéo. Donc le gars qui fait de la musique avec son Game Boy, son ordinateur portable et des cartes de Noël hackées, c'est quand même quelque chose. C'est Taxi Nouveau, on en parlait un petit peu plus tôt dans l'émission. On a fait une biographie de lui. Si vous étiez pas là, ben allez voir le www.unechance.com pour cliquer sur le lien. On s'en va entendre à l'instant même la pièce Créatine Contine de Taxi Nouveau à la connexion à C'est Fou 89 FM dans vos oreilles. Taxi Nouveau avec Créatine Contine, pièce qui me fait complètement capoter. Taxi Nouveau, j'adore ça. myspace.com/taxi-nouveau. Je le répète encore une fois, c'est le gars qui fait de la musique avec son Game Boy, son portable et puis des cartes de Noël hackées. C'est vraiment génial. Taxi Nouveau, c'est un artiste montréalais. myspace.com/taxi-nouveau. Tous les liens sont sur le unechance.com si jamais vous oubliez unechance.com. Tantôt, juste avant la pause, on a entendu deux remixes de ocremix.org. J'en ai pas parlé, je le regrette. On a commencé par le jeu DuckTales qui est sorti sur la NES par la compagnie Capcom en 1990. C'est Norg qui a remixé une pièce du jeu qui a été composée par Yoshihiro Sakaguchi. Précédemment, Norg avait travaillé en collaboration avec Snapple pour Voices of the Livestream, qui était une très très bonne collection de Final Fantasy VII. On l'avait fait jouer en très grande partie ici à la connexion pendant plusieurs semaines dans notre série en concert. Si vous n'avez pas encore été télécharger ça, allez-y. C'est sur lunchance.com, le lien est là. Il y a aussi des vidéoclips qui ont été postés récemment. Donc, les gagnants sont vraiment géniaux dans ces vidéos-là. Géniaux, on dirait même. Ce remix-là qu'on a entendu de DuckTales, c'était le premier solo de Norg ayant arrangé le thème Moon et le thème Select du jeu DuckTales sur la NES. On ne sait toujours pas vraiment qui est compositeur de chacune de ces pièces-là, mais bon, on a parlé de Yoshihiro Sakaguchi. Sinon, il y a aussi Junko Tamiya qui est mentionné dans l'article. Allez voir ça sur lunchance.com. Ensuite, on a entendu une pièce du jeu Kirby and the Amazing Mirror qui est sorti sur le Game Boy Advance de Nintendo en 2004. Le remix a été fait par Navige 11 en 2008. C'est Jacob Naviaski, son vrai nom. Donc, allez voir plus d'informations dans l'article sur le OCRemix.org. Parlant de OC Remix, tantôt on va faire une petite biographie. Je me suis surligné des passages, là. C'est pas tout de suite qu'on fait ça, c'est plus tard. Suivons le plan tel qu'il est écrit. On continue en musique dans quelques secondes à peine avec deux autres remix de Mega Man 2 et de Super Mario 64. Mais avant, voici le top des jeux les plus recherchés sur le wallop.com, qui est un site de jeux vidéo vraiment très bien fait. C'est donc les jeux les plus voulus, les plus intéressants, ceux que les gens aiment le plus. Allez se renseigner sur... C'était une phrase complètement n'importe comment. OneUp.com, 24 avril 2008, c'est la date. Voici le top 5. En 5e position, Metal Gear Online sur PS3. En 4e, c'est Gran Turismo 5 Prologue sur la PS3. En 3e, Grand Theft Auto 4 sur la 360. En 2e, c'est Mario Kart Wii sur la Nintendo Wii. Et le jeu le plus recherché qui n'est pas encore sorti, si je vois bien, ça sort le 29, ce jeu-là. C'est Grand Theft Auto 4 sur la PlayStation 3. Tout de suite, on continue avec d'autres bons remixes. On commence avec Sixto Sounds et Zircon qui nous présentent un mix du jeu Mega Man 2. Ça s'appelle Nuclear Flash. Ça sera suivi de MechVath avec un remix de Super Mario 64. C'est Liquid Mario. À la connexion, on parle technologie informatique et jeux vidéo. Spécial chiptunes et musique de jeu remix au 89.fm. We'll be right back. www.dash.com. McBath avec Super Mario 64, Liquid Mario aussi remix à la connexion, c'est fou, 89 FM. Justement, c'était Sixto Sounds et Zircon avec Mega Man 2 Nuclear Flash aussi remix. Donc, au début, Mega Man, c'est Andy et Juan, ou Zircon et Sixto, qui continuent, dans le fond, leur travail, leur collaboration ensemble avec cette superbe pièce basée sur Flashman. C'est composé originellement par Manami Matsumae, Ogeretsu Kun et Oshihiro Sakaguchi. C'est sorti sur NES, ce jeu Mega Man 2, en 1988, la compagnie Capcom. Le mix a été soumis, ou envoyé plutôt, en avril 2008, donc c'est tout à fait récent. Ensuite, celui de Super Mario 64 date de très longtemps. C'est le premier mix de Mario 64 qui a été envoyé à Overclock Remix. C'était en 2000, c'est basé sur la pièce Dire Dire Ducks de Mario 64, composée par Koji Kondo pour la Nintendo 64 en 1996. Je rappelle que c'est McVaff qui l'a soumis. Et apparemment, selon Overclock Remix, selon la personne qui a écrit la critique, ça pourrait être la première pièce qui a été envoyée par une femme sur ocremix.org, donc Jade Gemini. Je sais pas si c'est la première personne qui a composé la pièce ou la première personne qui première femme qui a soumis la pièce à Overclock Remix. Enfin bon, c'est ça pour ça, c'est Super Mario 64 Liquid Mario. Je vous avais dit que je vous ferais une petite, un petit historique. J'ai été vérifié, c'est bien un historique de Overclock Remix, aussi connu sous le nom de OC Remix ou OCR. C'est une organisation qui veut préserver et rendre hommage à l'industrie, à la musique de jeux vidéo, avec différentes interprétations par différentes technologies, différents logiciels et des moyens traditionnels aussi. Leur première, comment dire, leur premier focus, comme dit Wikipédia, c'est sur leur site web d'offrir des centaines d'arrangements faits par des fans, et ce, gratuitement. Ils offrent aussi de l'information sur la musique de jeux vidéo, sur des compositeurs. Il y a aussi des ressources pour les artistes qui veulent se lancer là-dedans. Il y a aussi une communauté de fans de musique de jeux vidéo. Le webmestre est David W. Lloyd ou DJ Pretzel. C'est lui qui écrit la plupart des textes aussi qui accompagnent les différents mix. Lui a commencé le site, il a débuté en 1999. C'est un site dérivé de son autre site de jeux vidéo et d'émulation. C'est plutôt une bande dessinée 3D qui parle d'émulation et de jeux vidéo qui s'appelait Overclocked. Le format vient entre autres d'un site d'arrangement de musique de Commodore 64 qui s'appelle c64audio.com. Je sais pas si ça existe encore, je crois que non. Il y a eu au-dessus de 1600 remixes, même je crois qu'on a dépassé le 1700 récemment sur le site web, envoyé par au-dessus de 500 remixeurs, comme ils aiment s'appeler, dans une variété de genres musicaux, que ça peut être classique, heavy metal, dance ou bluegrass. Il y a de la confusion un petit peu sur le terme remix. Typiquement, ça veut dire, dans le fond, dans les termes musicaux, ça veut dire qu'on fait des petits changements ou des altérations musicales, mais ça peut aussi vouloir dire plein de choses. Donc, ce qui a fait le créateur du site, c'est qu'il a inventé le mot remix avec un M majuscule, remixer, et non seulement faire du plagiat ou changer que quelques petites choses dans la pièce. Voilà, donc c'est aussi Remix. Si vous voulez lire une longue biographie sur le processus d'envoi de pièces, allez voir Wikipédia. En fait, le lien est sur le site de l'émission au www.unechance.com. Très intéressant. Ils ont fait aussi plusieurs albums qu'on a joués ici à la connexion parce qu'on a, depuis le début de l'émission il y a 4 ans, on a passé des séries en concert et la plupart venaient de ocremix.org. On a passé des albums basés sur Super Metroid, sur Donkey Kong Country, sur Sonic the Hedgehog, sur Kirby's Adventure, Doom, Chrono Trigger, Super Street Fighter 2 Turbo, plein de jeux de Sonic et aussi de Final Fantasy 7, la série Voices of the Livestream qui a eu un grand succès ici à la connexion. Les gens ont bien aimé. Moi, ma préférée, c'est celle sur Donkey Kong Country parce que c'est mon jeu préféré à vie. J'adore ça. Donkey Kong Country, c'est tellement bon. Voilà, pour quelques petits mix qu'on a passé, on aura le temps pour en passer des dizaines d'autres. On va peut-être en passer d'autres dans la deuxième heure, mais on va concentrer la deuxième heure surtout sur le chiptune. La musique faite avec des consoles de jeux ou créée en temps réel par un ordinateur. Voilà. On termine cette première heure avec la musique de Matt Fuzz et son Game Boy. Mais avant ça, une autre bonne vieille chronique de la connexion que les gens aiment bien, c'est les jeux les plus trichés sur GameFAQs.com. Donc les gens veulent pas finir le jeu par eux-mêmes, ils vont chercher des façons de le battre sur Internet. Ils sont-ils pas gentils? En cinquième position sur DS, Pokémon Diamond. En quatrième, Mario Kart Wii sur la Nintendo Wii. En troisième, The World Ends With You sur la Nintendo DS. En deuxième, c'est Crisis Core Final Fantasy 7 sur la PSP. Et le jeu le plus triché est sur la Wii. C'est Super Smash Bros. Brawl. Tout de suite, voici Matt Fuzz et son Game Boy avec triple dose. À la connexion au 89 FM. C'est fou, ça! political fighter, but I wanna see that fire. Ben oui, de Matt Fuzz et son Game Boy. MySpace.com/MattFuzz et son Game Boy, c'est son adresse. C'est un gars de Montréal qui fait de l'électro psychédélique avec son Game Boy. Absolument, oui, son Game Boy et un banjo. Mm-hmm. Matt Fuzz, très très bonne personne. Et puis on va entendre une dernière pièce de lui, Montréal en canicule. Ça a déjà été sur les palmarès de C'est fou, ça, il y a quelques temps. Ça va être déjà la fin de la première heure. On va l'entendre ensemble, les nouvelles de Radio-Canada, si vous écoutez le jeudi. On va être en rappel le lundi. On change de date. Les dates changent. Donc, l'émission d'aujourd'hui, le jeudi 24, va être en rediffusion le lundi 28. Ensuite, on tombe dans un nouvel horaire. Ça va être dès le mardi. On va être en direct avec une nouvelle émission, avec des nouvelles dedans. Ça va être le 29. Ensuite, on va être en rappel le jeudi et le lundi suivant. Toujours, donc, mardi, jeudi, lundi. Allez voir lunechance.com pour toutes les informations. On se quitte avec une troisième pièce, donc, Montréal en canicule. Et les auditeurs du lundi, ben, vont entendre une pièce bonus de OC Remix. Ça va être Cheddar Nerds avec Tetris, un remix Cheddar. Ça va être très, très bon. Restez avec nous. Pourquoi s'en aller quand il y a de la musique de jeux vidéo dans la radio? Tired of hearing the same old crap? Well, have no fear. Ricky V. Valentine is back with his brand new triple CD box set singing ghetto classics for the aging B-boy, such as Grandmaster Flash and Melly Mel's The Message. It's like a jungle. Sometimes it makes me wonder how I keep on going under. And N.W.A. Straight out of Compton. Straight out of Compton. A crazy motherfucker named Ice Cube. From a gang called Niggas with Attitude. Also featuring Outkast, Sorry Miss Jackson. Sorry Miss Jackson. Never meant to make your daughter cry. I apologize a ten times. I'm sorry Miss Jackson. And Almighty Jay-Z's Girls, Girls, Girls. Girls, girls, girls, girls. It's girls I do adore. You put your name on this paper because I would love to date you. Holler at you when I come up tall. To purchase your copy of Ricky V. Valentine's Ghetto Classics box set for only $29.95. Yes, $29.95. Phone now. 2-555-00-2214. Or for those who are online, www.rickyvvalentine.com. Deuxième heure de la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Nouvelle case horaire pour ceux qui n'auraient pas remarqué. En fait, les choses sont en plein changement. On est toujours en direct le jeudi pour l'instant. On est en rappel le lundi matin de 9h à 11h pour cette semaine seule. Ben, pas seulement, mais en tout cas, on commence déjà là. Et après ça, on va déménager. On va être le mardi à partir du 29 avril. Donc, on va être le mardi à 11h. On rappelle le jeudi à 11h et le lundi à 9h. Donc, prenez ça en note ou allez voir le www.unechance.com pour avoir toutes les informations. Et la grille horaire va être très bientôt sur le cif.ca pour la programmation d'été. Il y a plein de nouveautés assez fous, plein de bonnes choses à entendre cet été. Dans cette émission de La Connexion, ben, c'est un spécial chiptunes et musique de jeux vidéo remixés. Pendant la première heure, on a entendu plein de remix de jeux vidéo. Sa deuxième heure va être plus centrée sur le chiptune. C'est quoi le chiptune? Hein? C'est l'art de la musique dont les sons sont synthétisés en temps réel par un ordinateur ou par la puce audio d'une console de jeu. On va parler un petit peu plus en profondeur tantôt, mais on commence justement avec un band de chiptune. C'est 8-Bit Weapon. On va l'entendre, une pièce qui date de 2001, Times Changing, suivie d'une pièce de 2006, Game Boy Rocker, et de Mario 2 Drum Mix, qui vient de l'année 2004. On commence ça tout de suite à La Connexion. Assez fou 89.1 FM dans vos oreilles. www.rockauto.com. Weapon et Mario 2 Drum mix à la collection à C'est Fou 89 FM. J'adore ça. Sérieusement, c'est les meilleures deux heures que j'aurais passées de toute ma vie, je pense. Meilleure musique au monde. J'adore. Juste avant, c'était la pièce Game Boy Rocker et puis on a commencé avec Times Changing de 8-Bit Weapon, un gros bloc avec 8-Bit Weapon ici à la collection. Mon Dieu, c'était bon. Donc, c'est du chiptune, ça. Du chiptune. Ça vient de l'anglais puce informatique et le tune, qui veut dire musique, évidemment. C'est une musique dont les sons sont synthétisés en temps réel par un ordinateur ou la puce audio d'une console de jeu et non basée sur des samples ou toute autre forme d'enregistrement audio. C'est ce que nous dit Wikipédia. Si les chiptunes existent en théorie depuis que les ordinateurs sont capables de générer des sons, leur âge d'or correspond à la période allant du milieu des années 80 au début des années 90, quand les puces audio étaient le moyen le plus courant pour produire de la musique sur des ordinateurs. Les capacités sonores de ces puces étaient assez limitées et les sons générés possédaient un aspect grinçant et artificiel caractéristique que certains détestent, particulièrement ceux qui n'ont pas l'oreille habituée à ça. De façon ironique, cette technique fut parfois surnommée « cheap tune » ou « musique bon marché », la musique « cheap ». Du fait des limitations de ces procédés audio, les chiptunes furent peu à peu près abandonnés. Abandonnés au fil du développement des capacités sonores des ordinateurs. Cependant, même sur des machines plus évoluées, la synthèse des samples à la lecture continue à être utilisée. La description d'un instrument prend beaucoup moins de place qu'un sample et un format musical de ce genre produit de petits fichiers. Depuis, les paramètres de la synthèse peuvent varier le long d'une composition. Le concept est tombé cependant en désuétude, dit Wikipédia, à l'exception notable des intros de la démo scene qui finirent par posséder leur style propre de chiptune. Actuellement, les chiptunes ne sont guère plus utilisés dans l'industrie informatique, mais une scène dédiée continue à produire de nouvelles compositions. Des émulateurs et des outils spécifiques ont fait leur apparition, permettant à cette technique de sortir du cercle des démos et des crack throws qu'on appelle, où elle était répandue. Le concept a même été repris par le jeu vidéo où quelques titres récents comme Mega Man Battle Network, Cyclus ou Tetris DS utilisent des samples de puces audio pour leur musique. Si vous voulez plus de renseignements sur le chiptune, allez voir l'article que j'ai posté sur le www.unechance.com. C'est le site de l'émission www.unechance.com. L'article de Wikipédia est particulièrement intéressant. On a écouté du 8-Bit Weapon tantôt. C'est un band, évidemment, de musique chiptune qui a été créé par Seth Sternberger. Leurs instruments, c'est surtout des vieux ordinateurs 8 et 16 bits avec des sorties audio de 8 bits. On parle entre autres du Commodore VIC-20, du Commodore 64, du Commodore 128, du Commodore Amiga 500 et du Apple II. Ils utilisent des consoles de jeux vidéo telles que la NES, le Game Boy, l'Atari 2600 et l'Intellivision. 8-Bit Weapon a commencé en 99 en remixant des pièces de Commodore 64 tels que Crazy Comets, Mule et des pièces de Nintendo Entertainment System dont Mario Bros 2, comme on vient de l'entendre, et Metroid. Chose intéressante à mentionner, ils ont reçu beaucoup de couverture dans la presse, dont une critique très favorable du Los Angeles Times. Ils ont aussi performé en direct à la télé. Ils ont joué sur la trame sonore en fait de Halo 2 E3 2004, le preview, l'événement qui avait sa propre trame sonore écrite et produite par 8-Bit Weapon. Ça durait 15 minutes de long et ça jouait de façon continue dans le gaming area du party, c'est ce que dit Wikipédia. 8-Bit Weapon qui a aussi remixé pour Erasure, pour Kraftwerk et pour Information Society. En juillet 2007, ils ont été engagés pour performer au 25e anniversaire de Commodore pour l'ordinateur Commodore 64. 8-Bit Weapon, Seth, Michelle et Melissa. Ils ont une grande discographie que vous pouvez d'ailleurs acheter sur leur site 8bitweapon.com. Sinon, vous pouvez aussi aller voir 8-Bit Weapon sur leur MySpace au myspace.com/8bitweapon, 8 en chiffres, bit puis weapon. Il y a beaucoup d'MP3 gratuits aussi à télécharger sur leur site officiel. Voilà pour 8-Bit Weapon. Maintenant, voici le top, le palmarès des logiciels les plus téléchargés sur download.com. On commence par la 5e, Avast Home Edition. En 4e, c'est ICQ. En 3e, on retrouve LimeWire. En 2e, on retrouve Adaware 2007. Et le grand numéro 1 des logiciels les plus téléchargés, et c'est AVG Antivirus. Les gens aiment se tenir en sécurité. Prochain artiste qu'on va mettre en vedette ici à la connexion pour ces chiptunes qui sont absolument fantastiques, c'est Null Sleep, l'artiste Null Sleep. On commence tout de suite avec la pièce Dirty Run Dance Mix créée sur un Game Boy. La prochaine va être créée sur un NES. Il s'appelle Kuribo's Requiem. Vous écoutez la connexion. On parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Assez fou 89.1 FM. We'll be right back. Sleep avec sa musique chiptune, la pièce Dirty Rum Dance Mix créée sur un Game Boy. On va entendre un petit peu plus de chiptune plus tard dans la connexion dans la dernière demi-heure, mais avant, voici votre quiz musical de la semaine. Nommé ce jeu qui joue derrière moi. C'est un jeu sur Super Nintendo. La réponse dans 3 minutes à la collection à C'est fou 89.1 FM. Avant la pause, je vous ai demandé de nommer ce jeu qui joue derrière moi. Mais quel est ce jeu, dites-moi? La réponse, c'est SimCity sur Super Nintendo. Ah, souvenir. Ah ben oui, ce bon vieux SimCity sur Super Nintendo, quel jeu! Vous êtes à la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Il nous reste, en fait, 25 minutes hein, pour écouter de la musique de jeu parce que cette semaine, c'est un spécial Chiptunes, les musiques de jeux vidéo remixées. On a passé la première heure au complet à faire de la musique de jeux vidéo remixées. Là, on se concentre sur les Chiptunes. Je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là précédemment, qu'on change de case horaire. Oui, on change de case horaire. Dit avec les bonnes lettres à la bonne place, ça fait « on change de case horaire ». On est en direct aujourd'hui, le jeudi 24. C'est une nouvelle émission. On va être en reprise lundi, de 9h à 11h. Mais après ça, on passe à notre nouvelle case horaire. Ça va être le mardi en direct à 11h. Ouais, donc le mardi en direct à 11h. En rediffusion le jeudi, à la même heure que maintenant, là, 11h à 13h. On peut toujours continuer d'écouter là. On va être en reprise le lundi aussi à 9h. Voilà qui fait le tour. On continue avec notre spécial Chiptune et on s'en va entendre tout de suite un non-sleep avec Caribou's Requiem. C'est un mix de NES. En fait, ici, on parle de Chiptune. Ce n'est donc pas des musiques de jeux remixées, mais bien de la musique créée à partir d'une console de jeux vidéo. Dans ce cas-ci, c'est la NES de Super Nintendo. Vous écoutez la connexion à CIF89.fr. Thank you. www.dash.dash.dash.com. Avec Star Force Romance, précédé de Curibo's Requiem. Ici à la collection Assez Fou 89 FM, Non Sleep, un artiste qui fait du chiptune. Hein? C'est le sujet d'aujourd'hui, le chiptune. Son vrai nom, c'est Jeremiah Johnson. C'est un musicien électronique américain et artiste d'ordinateur, computer artist, qu'on dit. Et il réside présentement à New York. En 99, il a fondé le collectif 8-Bit Peoples. Et puis, depuis ce temps, ben, c'est le directeur principal de cette entreprise, si on veut. Pendant le 21e siècle, il a essayé d'élever la musique chiptune à un statut un petit peu plus... avec une meilleure réputation, malgré la perception souvent de ce style de musique comme étant kitsch ou rétro. Il est connu surtout pour ses chansons pop remplies d'énergie et de romance. On l'a entendu dans la pièce Star Force Romance tantôt. Il a gradué de la Foo Foundation School of Engineering and Applied Sciences à l'Université Columbia en 2003, où il a étudié la science des ordinateurs et la musique. Il utilise des Game Boy et des NES pour créer de la musique unique, de la musique à concept. Hein? C'est pop. Il dit que c'est du pop. Null Sleep, son site web, c'est nullsleep.com ou encore sur MySpace, passez par l'unechance.com pour tous les liens. Le site de l'émission, www.unechance.com. Vous connaissez cette musique qui joue derrière moi, hein? Oui, c'est la musique de la chronique bientôt sur vos écrans. Donc, on va regarder un petit peu ce qui se passe en magasin, question de dépenser l'argent que vous venez de mériter peut-être à votre paye. Sur mes plateformes, on retrouve NBA Ballers Chosen One sur PS3 et Xbox 360. On retrouve aussi Dream Pinball 3D sur la DS et sur la Nintendo Wii de South Peak Interactive. Sur la Nintendo DS, The World Ends With You qui sort enfin, oui, de Square Enix. Je crois que c'est un jeu de rôle. Ensuite, il y a Pokémon Mystery Dungeon Explorers of Time de Nintendo et puis Pokémon Mystery Dungeon Explorers of Darkness. Il y a toujours plusieurs jeux qui sortent à chaque fois qu'un Pokémon sort pour faire plus d'argent. Et puis finalement, River King Mystic Valley de Natsumi qui sort sur DS aussi. Sur PC, il y a Turok de Touchstone. Sur PlayStation 2, le jeu Persona 3 FES, F-I-S, de Atlus. Sur PSP, on retrouve Chameleon de Tomo. Et sur Nintendo Wii, The Red Star, Battle of the Bands et Target Terror. Voilà, ça c'est les nouveautés en magasin cette semaine. À ce qui paraît que NBA Ballers Chosen One pourrait s'avérer très intéressant pour les fans de ce genre. C'est apparemment un très bon jeu. Vraiment pour les nouveautés en magasin. J'ai envie d'écouter un autre remix de jeu vidéo. Hein? Sortons du chiptune, là, on passe du coq à l'âne un peu. Là. Du chiptune, c'est de la musique créée à partir de consoles de jeux. Alors que des musiques de jeux vidéo remixées, ben, c'est évidemment, bon, on prend la musique, on s'en inspire, on essaie de la faire en remix. Hein? Ben, c'est ce que notre très très bon ami, j'imagine, Platoniat, a fait avec la musique de Legend of Zelda Link's Awakening. Il a appelé sa pièce Forest of Hysteria. Et on écoute ça tout de suite à la connexion à CIFU 89.1 FM, spécial chiptune et musique de jeu remixée. excellent remix, presque méconnaissable, d'une pièce de Legend of Zelda Link's Awakening. C'était l'artiste Platoniste avec la pièce Forest of Hysteria, une pièce qui est, selon les juges de OCRemix.org, unique, lo-fi, chiptune-esque et plutôt loose, hein, comme remix, dans le sens que ça ne suit pas toujours exactement la pièce telle qu'elle était sur la version Game Boy du jeu. C'est sorti sur Game Boy en 1993. Ça a été composé par Kazumi Totaka, Kozue Ishikawa et Minako Amano, mais remixé par Platoniste ici. Le mix date de 2008, donc en mars, c'est tout récent. Voilà pour Jonas Lohmann, le nom derrière Platoniste. Très, très bon remix que vous pouvez retrouver dans son intégralité sur le OCRemix.org ou passer par les liens. Toutes les pièces qu'on a entendues aujourd'hui sont en lien sur le www.unechance.com. C'est l'endroit où aller. C'est aussi si vous voulez avoir plus d'informations sur qu'est-ce que c'est que des remix de jeux vidéo, hein, premièrement, et qu'est-ce que c'est aussi du chiptune. Ça, c'est la musique qu'on fait à la base à l'aide de consoles de jeux vidéo. On va d'ailleurs terminer par les deux artistes qu'on a entendus un petit peu plus tôt, Matt Fuzz et son Game Boy et Taxi Nouveau, qui eux font du chiptune. C'est de la musique donc faite avec des Game Boy, des portables dans le cas de Taxi Nouveau, et même des cartes de Noël hackées aussi dans le cas de Taxi Nouveau. C'était la connexion spéciale chiptune et musique de jeux vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. Moi, j'ai vraiment adoré. On va entendre la pièce Requiem for a Dream de Matt Fuzz et son Game Boy. On revient avec la conclusion de l'émission dans quelques instants. C'est fou 89.1 FM dans vos oreilles. Requiem for a Dream de Matt Fuzz, artiste montréalais qui fait de la très très bonne musique chiptune. À la connexion. Voilà, donc c'est tout pour ce spécial chiptune et musique de jeux vidéo remixée. C'était, ma foi, plutôt excellent. On va se quitter avec une pièce de Taxi Nouveau qui s'appelle Fast and Free. Pour ceux, en fait, qui veulent nous réentendre, ce spécial va être rediffusé lundi prochain, donc lundi de 9h à 11h. Ensuite, on change de case horaire. On va déménager au mardi de 11h à 13h. On rappelle le jeudi de 11h à 13h et le lundi à 9h. Ça commence la semaine du 28 avril. Donc, retrouvez-moi pour une émission régulière avec plein de nouvelles de jeux vidéo d'informatique. Ça va être absolument adorable. Ce qui nous suit le jeudi, c'est la rediffusion de la dernière porte à gauche derrière de la saison, je crois. Non, il en reste une, je crois. Donc, voilà pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Sérieusement, je vous adore. Merci d'être fidèle à l'émission. Merci de, pour les bons commentaires que vous laissez au sujet de l'émission. Et si vous avez des idées pour des émissions spéciales, si vous voulez entendre quelque chose à l'émission, vous pouvez me laisser un message sur le www.unechance.com. De la part de toute l'équipe fictive de La Connexion, faites attention à vos genoux. Bonne semaine, bon été et bonne chance. Dash dot com.